mercredi, assemblage requis. Bon, c'est sûr que c'est la semaine de relâche, hein, fait qu'on manque un peu de contenu, mais bon. Aujourd'hui, à l'émission, Simon Fitzbay va être là. C'est sûr que c'est pas un gage de qualité ou de contenu, mais... Au moins, il va y avoir des malaises pis de l'inconfort. J'ai donc un rendez-vous aux alentours de 15h. On t'aime, Simon!